Tina DXN. Yo, this is your boy T.C.M. Production. Remember to keep it locked onto my YouTube page for the latest instrumentals coming out soon. J'ai fermé les rideaux sur notre vie à deux, fatigué d'espérer qu'un jour ça ira mieux. J'ai tout fait pour t'aimer, mais tu n'as rien vu. J'ai dû me faire à l'idée que tu ne m'aimais plus. J'ai passé des nuits blanches à me demander pourquoi, par ton indifférence, tu t'éloignais de moi. Je me suis fait violence plus souvent qu'autrement, jusqu'à perdre confiance envers tes sentiments. J'ai crié ma souffrance au long du quotidien, sans que tu ne l'entendes, que tu ne fasses rien. Si seulement t'avais fait ne serait-ce qu'un effort, j'étais prêt à t'aimer même jusqu'à la mort. J'ai fermé les rideaux sur notre vie à deux, fatigué d'espérer qu'un jour ça ira mieux. J'ai trop baissé les yeux, maintenant j'en peux plus. Pourquoi continuer quand l'amour n'y est pas?